Chapitre 13. François Damiens. Henri d'Étiol, sans plus s'occuper de la jeune femme étendue sur son lit, sans plus lui jeter un regard, se dirigea vers une tenture qu'il souleva. Il poussa un ressort et une porte étroite qui se confondait avec la tapisserie s'ouvrit aussitôt. Il laissa cette porte ouverte, traversa un boudoir dans lequel il venait de pénétrer et parvint dans une pièce faiblement éclairée, sorte de salle à manger pour tête-à-tête, la grande salle à manger de l'hôtel se trouvant au rez-de-chaussée. Là, un homme attendait, immobile et debout. Il portait, comme un laquais de confiance, une livrée sombre et sans ornement ni chiffre, qui se rapprochait de l'habit bourgeois, mais avec quelque chose de raide dans les lignes et de sévère dans la couleur. Sans doute il était absorbé dans des pensées lointaines, car il n'entendit pas d'Étiol quand il entra, et il tressaillit violemment lorsqu'il se sentit touché au bras. Cet homme, c'était François Damiens, le piéton poudreux de la clairière de l'Ermitage, l'homme au placé de l'hôtel d'Argençon, celui-là même qu'Henri d'Étiol avait fait monter dans son carrosse. Une grande transformation s'était opérée en lui. Outre le costume qui le rendait méconnaissable, sa tête avait pris un autre caractère. Ses longs cheveux étaient coupés, sa barbe broussailleuse avait disparu, son visage ainsi dégagé présentait une expression d'amertume plus accentuée. Il était peut-être moins sauvage d'apparence, il était plus terrible, plus fatal. Son large front se plissait sous l'effort d'une pensée tyrannique, et il y avait une étrange profondeur dans ses yeux fixes. « Eh bien, mon maître, » dit Henri d'Étiol. « Pardonnez-moi, monsieur, me voici à vos ordres. » « Bon, bon, remettez-vous, mon brave. Vous avez vos pensées comme j'ai les miennes, c'est tout simple. Mais à quoi diable pouviez-vous bien songer ?»« Je ne songeais pas, monsieur, je vous attendais selon vos ordres. » Il parlait sans humilité, mais avec une sorte de timidité farouche. « Eh bien, » reprit d'Étiol, « le service ne vous paraît pas trop dur ?»« Jusqu'ici, monsieur, je n'ai rien eu à faire. » Vous m'avez offert 200 livres par mois, la nourriture, le logement et les habits, pour entrer chez vous en qualité de laquais. Fi donc, de secrétaire. De laquais, monsieur, je n'ai pas l'instruction suffisante pour être votre secrétaire. Mais peu importe, j'ai accepté un emploi domestique pour gagner ma vie. Que suis-je après tout? Rien, moins que rien. Et notre destinée à nous autres du peuple n'est-elle pas... Sa voix, qui commençait à gronder, s'arrêta net. Une flamme avait jailli de ses yeux. Il poursuivit plus doucement. « Pardon, monsieur, je voulais vous dire seulement ceci, ce que vous me donnez comme gage est énorme. »« Je crois bien, mon cher, ce sont les appointements d'un sous-chef de bureau de ministère. »« C'est donc, comme je vous dis, énorme. » Or, jusqu'ici, vous ne m'avez pas encore dit ce que j'aurais à faire. « Rien, » répondit d'Étiol. Damiens jeta un profond regard sur son maître et dit « C'est trop. Laissez-moi m'expliquer. Si vous me donnez 200 livres par mois pour ne rien faire, c'est que j'aurai à un moment donné contracté vis-à-vis de vous une dette terrible, et alors ?»« Alors, » interrompit d'Étiol, « il n'y aura rien de changé. J'ai besoin d'un dévouement près de moi, voilà tout. Ce dévouement, je le paie. Vous me serez dévoué. Voilà votre service. Je vous demanderai à vous ce que je ne pourrai demander à personne, ami ou domestique. Si j'entre en lutte contre de puissants personnages, si je me heurte à quelqu'un, fût-ce le roi ?»« Le roi !» gronda Damiens en pâlissant. « Eh oui !» « Alors, je vous demanderai de m'aider. Cela vous va-t-il ?»« Oui, » fit Damiens les dents serrées. « Ce n'est pas tout, et vous allez voir que ce rien dont nous parlions pourrait bien devenir quelque chose. »« Je viens de me marier, mon cher. » De pâle qu'il était, Damiens devint livide. Un léger tremblement le secoua. « Eh bien, continua d'Étiole en l'examinant avec une attention soutenue. « Je me défie de ma femme. Je crois qu'elle ne m'aime pas. » « Et alors ? Et alors ? Alors, s'il arrive que je sois obligé de m'absenter comme je vais le faire ?»« Vous allez vous absenter ?» s'écria Damien avec un frémissement de joie furieuse. « La nuit de vos noces ?»« Oui, il y a des choses plus graves que l'amour. »« Que voulez-vous ? Eh bien, tout à l'heure, pendant le reste de cette nuit où des intérêts vitaux immenses m'appellent au dehors, je veux que ma femme ne soit pas seule. »« Monsieur, monsieur !» haleta Damien. « Qu'est-ce qui vous prend ? Demandez-moi de me faire tuer pour vous, mais par pitié, ne me demandez pas d'être l'espion de madame. » « Qui vous parle de cela ? Je vous dis que je ne veux pas laisser ma femme seule, voilà tout. Je ne puis me confier ni à une femme de chambre, ni à qui que ce soit. Je vous l'ai dit, j'ai besoin d'un dévouement absolu. Alors ? Alors ? Vous ne comprenez pas ? « Non !» fit Damien dont le front ruisselait de sueur. « Venez !» dit Henri d'Étiole. Il entraîna Damien dans le boudoir qu'il venait de traverser. La petite porte secrète était restée ouverte. Par cette porte, Damien entrevit un coin de la chambre à coucher. Il frissonna de la tête aux pieds et baissa la tête. « Voici !» dit alors Henri d'Étiole à voix basse. « Ma femme est là qui dort. « Moi, je vais sortir de l'hôtel. Question de vie ou de mort. Je serai rentré à 6 heures du matin. Alors, vous qui n'êtes ni mon ami ni mon laquais, vous qui êtes un dévouement, vous comprenez ? Vous vous installez ici. »« Ici !» râla Damien. « Dans ce boudoir. Oh, rassurez-vous, pas pour espionner. Mais enfin, si quelqu'un entrait... « Ah, ah !» fit l'homme dont les poings se crispèrent. « Vous tueriez ce quelqu'un comme un chien, entendez-vous ?»« Oui, oh oui » « Fût-ce le plus puissant des personnages ?»« Oui, oh oui » « Fût-ce le roi !» Cette fois, Damien ne dit rien. Mais une telle expression de haine flamboya sur son visage qu'Henri d'Étiole tressaillit, et un sourire de sombre satisfaction erra sur ses lèvres minces. « Vous voyez, ajouta-t-il rapidement, je laisse la porte ouverte afin que vous puissiez surveiller la chambre où elle dort. Adieu, je vous laisse. » Sur ces mots, il s'éloigna rapidement, laissant Damien comme atterré. Mais Henri d'Étiole n'alla pas loin. Il s'arrêta dans la petite salle à manger intime, après avoir fermé derrière lui la porte à clef. Alors, il dérangea un tableau sur un panneau de mur et, à travers un invisible treillis qui se confondait avec la tapisserie, il se mit à examiner Damien. « Oh » murmura-t-il, « je veux que dans le cœur de cet homme se déchaîne une effroyable passion. Je veux que la folie de l'amour en fasse ma créature asservie. Je veux que Louis, roi de France, trouve ici un rival inattendu. Quel rival ! Mon laquais ! Et alors ? Alors ! Il faudra bien que mes rêves se réalisent. Il faudra bien que la vengeance et la haine, qui, goutte à goutte, ont infiltré tant de fiel dans mon âme, éclatent comme le coup de tonnerre qui foudroie sans prévenir. Patience ! Patience ! Damien était demeuré à la même place. Il était agité de frissons convulsifs. Parfois, une rougeur de feu empourprait son visage. Puis cette rougeur disparaissait pour faire place à une lividité de cire. Son regard ardent se fixait sur cette porte ouverte. Mais ses pensées tournaient toutes autour de l'étrange situation où il se trouvait brusquement jeté. Par moments, il passait sur son front ses mains glacées et murmurait « Qu'a donc voulu cet homme ? Pourquoi m'a-t-il mis là ? Que cherche-t-il ? À peine s'il me connaît, à peine s'il m'a parlé. Et cette preuve de confiance sublime ou effroyable. Que veut-il ? Me tenter ? Non, ce n'est pas possible. Me faire surveiller cette chambre ? Allons donc, la nuit de ses noces, son histoire d'intérêt qui l'oblige à s'absenter est absurde. Oh, mais que me veut-il donc alors ? Il me prend par la main, il m'entraîne et me conduit où ? Ici, près d'elle. Sur ce mot, ses pensées dévièrent. Plus ardemment, il fixa ses yeux sur ce coin de chambre qu'il entrevoyait. Des parfums, par bouffées, arrivaient jusqu'à lui. Il demeura ainsi près d'une heure, immobile, les pieds rivés au tapis du boudoir. Tout à coup, il fit un pas vers la porte. Mais aussitôt, il recula avec une sorte d'épouvante. « Que fais-je là ? » balbutia-t-il. « Que vais-je penser ? Quelle abominable idée profanatrice s'est glissée dans mon sein ! Je n'entrerai pas ! Non, je n'entrerai pas !» Au bout de quelques minutes, il revint à la place qu'il occupait d'abord. Haletant, il se pencha, écouta, et il n'entendit que les battements sourds et précipités de son cœur. « Et quoi ? Pas un bruit ? Pas un froissement ? Pas un soupir ? Est-ce possible ?» La pensée que Jeanne n'était pas dans cette chambre lui vint tout à coup. Mais il la repoussa. « Non, non, Henri d'Étiolles n'avait pas la physionomie de quelqu'un qui veut faire une expérience. » Sûrement, cet homme avait dans l'esprit quelque insondable pensée. Brusquement, un cri rauque expira sur ses lèvres. Une autre idée se présentait à lui, terrible, effrayante. Il l'a tué, et il m'a posté là, afin que l'assassin soit découvert tout à l'heure sur le lieu du crime. On va entrer, je vais être saisi. La sensation fut si violente qu'il se retourna, farouche, hagard. Mais presque aussitôt, ce mouvement instinctif de défense personnelle s'effaça de son esprit. Il ne songea plus qu'à elle. En ce laps de temps rapide comme un éclair, il se la représenta morte, étendue sur le lit. Il étouffa un rugissement. « Oh, s'il a fait cela, malheur, malheur à lui !» Et d'un bond, il fut au milieu de la chambre à coucher. Jeanne lui apparut tout habillée de son costume d'épousée, étendue sur le lit, comme il se l'était représenté. Dans le boudoir, Henri d'Étiolles, la figure collée au treillis, avait murmuré « Enfin !» Damien, avec un terrible sanglot, s'approcha du lit, se pencha. « Morte ! Morte !» Un simple coup d'œil lui prouva qu'il se trompait. Jeanne était immobile, les bras allongés le long du corps, la tête appuyée sur l'oreiller de dentelle précieuse, mais son visage rose et paisible, dans le sommeil qui anéantissait toutes ses amères pensées, était plein de vie charmante. Son sein se soulevait doucement, dans un rythme gracieux. Un souffle léger s'exhalait de ses lèvres entrouvertes. « Elle dort !» balbutia Damien dans un inexprimable étonnement. Et tout de suite, il s'aperçut que ce sommeil, pour inoffensif qu'il parût, n'était pas naturel. « C'est lui qui l'a endormi !» ajouta-t-il. « Pourquoi ?» Alors, toute inquiétude disparut de son esprit, certain que Jeanne vivait, qu'elle dormait d'un sommeil profond mais paisible, il sentit un rapide frisson le secouer. « Qu'elle est belle !» Il se recula tout tremblant, mais son regard demeura rivé sur la jeune femme. Puis il se rapprocha. Un meuble qui craqua le fit bondir en arrière. Il haletait. Des souffles brûlants passaient sur son visage et, en même temps, il se sentait glacé. Cette femme si jeune, si belle, d'une si harmonieuse beauté, cette femme étendue sur ce lit, profondément endormie par quelque narcotique sans aucun doute, cette femme enfin qui l'attirait comme un irrésistible aimant, cette femme enfin qui était à sa merci, il eût donné sa vie pour un moment pareil. Elle était là, sous ses yeux, dans l'impossibilité de se défendre. Le cœur de Damien battait à se rompre dans sa poitrine. Sa raison s'égarait. Oh, la prendre dans ses bras, la serrer contre lui, ne fût-ce qu'un instant, et mourir après. Qui l'en empêchait? Rien, personne. Il n'avait qu'à vouloir. Il étendit les bras. Et ce fut à ce moment précis qu'une pensée foudroyante traversa son cerveau. Si Henri d'Étiol m'a, pour ainsi dire, conduit jusqu'à cette chambre, ah, c'est infâme! C'est que lui, le mari, eh bien, il a voulu... Oh, l'infâme! L'infâme! Oh, j'entrevois je ne sais quelle trame odieuse qui doit envelopper cet ange! Et j'allais me faire l'instrument lâche et vil de l'opprobre dont on veut couvrir celle qui dort là, sous mes yeux, si belle, si confiante, si radieuse. Lentement, Damien s'était agenouillé tout près du lit. Il avait mis sa tête dans ses mains et pleurait sans bruit. « Dors, murmura-t-il, dors paisible et tranquille, pauvre femme. Le maudit que je suis ne ternira pas la pureté de ton front, de son souffle de damné. » Alors, comme la main de Jeanne pendait légèrement hors du lit, il voulut baiser cette main fine aux doigts d'albâtre. Mais cette fois encore, il se retint. Et ce fut sur le bas de la robe, sur la longue traîne qui s'écroulait jusque sur le tapis, ce fut sur la soie blanche et virginale qu'il déposa le baiser si humble de son amour et qu'il laissa tomber une larme. Alors il se releva et, à reculons, sans bruit, il sortit de la chambre, ferma la porte et reprit sa place d'immobile et de pensive statue dans le boudoir. Vers 5 heures du matin, Jeanne se réveilla. Elle se vit sur le lit, tout habillée. La pensée lui vint alors qu'elle avait dû s'évanouir et qu'Henri d'Étiol, touché peut-être de quelque tardif repentir, l'avait laissée seule. Lasse et la tête lourde, frissonnante, elle se déshabilla et se mit au lit. Quant à Henri d'Étiol, au moment où il avait vu Damien entrer dans la chambre nuptiale, il avait remis en place le tableau et s'était, souriant d'un sinistre sourire, retiré dans son cabinet, où il avait passé le reste de la nuit à écrire plusieurs lettres. À 7 heures seulement, il revint au boudoir, où il vit Damien, immobile et comme pétrifié dans ses pensées. D'Étiol le regarda fixement. « Personne n'est venu ? » demanda-t-il. « Non, monsieur, personne, » répondit Damien. « Et dites-moi, mon brave, la pensée, la curiosité ne vous est pas venue ?»« De quoi, monsieur ?» demanda Damien en frémissant. « Mais d'entrer là !» répondit cyniquement D'Étiol en désignant la chambre à coucher. « Non, monsieur, » dit Damien sans une hésitation. « Bon, » songea D'Étiol, « il ment puisque je l'ai vu entrer. Donc, allons, tout va bien. » Il passa rapidement dans la chambre, vit Jeanne couchée, sourit imperceptiblement et, s'inclinant, « Ma chère Jeanne, dit-il, l'excès de mon amour m'a, cette nuit, emporté un peu loin. J'ai peut-être abusé de mes droits d'époux. Je vous en demande pardon, Jeanne. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous rassurer, je n'entrerai plus jamais ici que s'il vous convient de m'y appeler. Et quant à mon amour, eh bien, je souffrirai en silence, voilà tout. » Abusé ? Balbutia Jeanne avec épouvante quand elle se retrouva seule. « Abuser de ses droits d'époux ? Oh, qu'a donc voulu dire ce monstre ? »